Ce panneau est placé 150 mètres avant un carrefour avec voie de stockage. Je ne peux pas tourner directement à gauche puisqu'un signal me l'interdit. La direction pour Montségur se trouve sur la gauche. Pour rejoindre Albi, je continue tout droit sur cette voie. Pour aller à Montségur, je prends la voie de stockage à droite et je traverse la chaussée principale. Réponse B et C.